ampli qui passe. Un ampli basse. Thank you. pas là ce soir avec le disque choqué Mister Viagra qui va vous accueillir ce soir avec de nombreux cadeaux. Je vous rappelle, ce soir, élection de Miss T-shirt mouillé. Oh oui, on New César pas là ce soir avec Mister Viagra au platine, c'est parti. Ok, entrée gratuite pour les filles ce soir. Oui. But now I've still loving you.